Il est 10h06, vous êtes bien sur France Inter, le Café Mazar est ouvert. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire Sabergin, on a un petit sanglier sur le feu et puis on vous retrouve tout à l'heure à 11h. A tout de suite, mais on peut le manger ensemble. Hein. On est Café Bazar, jusqu'à 11h. 0-45-24-7000. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Café Bazar. Vous allez pouvoir pénétrer avec nous aujourd'hui dans le village des irréductibles gaulois puisqu'en effet le 14 octobre prochain sortira le 33e album des aventures d'Astérix. Son titre Le ciel lui tombe sur la tête a été révélé la semaine dernière à Bruxelles à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle assistaient plus de 300 journalistes venus du monde entier en présence d'Albert Uderzo, l'un des deux papas d'Astérix. La capitale belge, donc reine de la BD, célébrait ses 5 jours de fête avec une grande exposition autour d'Astérix. Et pour parler donc du retour très attendu des Gaulois et du phénomène Astérix, nous sommes ce matin avec Bernard Dechoisy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire de l'exposition Le Miroir, le monde miroir d'Astérix, à voir donc à Bruxelles jusqu'en janvier 2006 à peu près. Jusqu'en janvier, 15 janvier 2006, oui. Vous êtes marié à Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et vous vous occupez de gérer les intérêts d'Uderzo. Vous êtes tombé très tôt dans la marmite, vous ? En 6e, j'étais au lycée Carnot. J'étais lecteur de Tintin, Spirou depuis un moment, et pas encore pilote, parce que j'étais un tout petit peu gamin, je suis arrivé à 10 ans en 6e, et j'ai un ami qui m'a dit « Est-ce que tu as lu Le Combat des Chefs ?» Ça devait être l'album qui venait de sortir, et je l'ai acheté, enfin mes parents ont dû me l'offrir, et je suis resté scotché sur mon lit un bon moment, parce que ça a été un vrai choc. Et lorsque vous avez épousé Sylvie Uderzo, est-ce que vous avez dû épouser en même temps Astérix ? C'était le contrat ou pas ? Non, c'est deux choses différentes, ça a été très très compliqué, bien plus qu'on peut l'imaginer. En fait, Pourquoi c'était compliqué ? Parce que Astérix, tout un univers, c'est une forme de puissance. Donc, moi, je suis rentré là-dedans naïvement. En fait, au départ, il y avait une compétition pour un budget de lancement d'album. C'était La Rose et le Glaive en 91. Et moi, j'avais une petite agence. Et on était en compétition. Les agences ont rendu 12 ou 16 pages d'achat d'espace, etc. Moi, j'étais comme un fou, donc j'ai fait un dossier de 75 pages en disant tout ce qu'à mon avis, il fallait faire pour redorer le blason d'Astérix, le remettre sur les valeurs des années 60, etc. Et parce qu'en fait, ça fait partie de ma culture. C'est un petit peu, pour moi, les Beatles, les Stones, Astérix, Pilote. Je crois que je fais partie de cette génération-là. Donc, quand on a la chance de pouvoir travailler dans cet univers-là, j'ai juste ouvert mes boîtes, j'ai pas eu trop de difficultés, et puis voilà, ça déroule, et on a réussi à monter cette fête extraordinaire à Bruxelles. Bernard Dechoisy, à vos côtés, Nelly Ferran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, vous travaillez sur la culture comique dans les bandes dessinées et les dessins d'humour. Vous êtes également co-rédactrice en chef de la revue Humoresque. Cette revue sort à quel périodicité ? Alors, c'est une revue qui sort 2 fois par an et qui est chaque numéro est consacré à un thème. Le dernier qui va sortir d'ici quelques jours est consacré au rire scatologique. Ah, tiens, c'est original comme sujet. Et on pourra apprendre quoi, par exemple ? Beaucoup de choses. Je renvoie les lecteurs à votre site puisque toutes les informations seront trouvables. Alors, vous allez nous aider à mieux comprendre la mécanique humoristique dans Astérix. Pas d'allusion scatologique, justement, dans Astérix ? Pas vraiment. Non, vous ne l'avez pas relevé. En tout cas, on joue autant sur les jeux de mots que sur le graphisme. Et c'est vraiment cet équilibre, justement, qui fait le succès, à votre avis, comique d'Astérix. Je crois que c'est un succès que personne n'est capable d'expliquer totalement. Mais en tout cas, c'est un succès qui est fondé sur de multiples raisons. Entre autres, sur le génie des créateurs. Ça, je crois qu'on ne peut pas lésiner sur les mots.